même sourire d'enfant, même air qu'on respire en même temps, même cœur battant, même air qu'on entend en même temps. Oh, oh, oh, oh, oh. Pourtant seul, seul sur terre, certains ils vont sans maison, sans raison, sans amour certain, comme ça et le froid sur leurs mains. Oh, oh, oh, oh. Jésus, l'entends-tu, ces filles et ces garçons perdus, ne sont-ils pas assez précieux du haut de tes yeux délicieux? Oh Jésus, roi du ciel, nos âmes volent avec leurs ailes. Toi tu choisis lesquelles, même, même désir d'amour, les mêmes, je t'aime toujours. Même navire pourtant, même vague et même vent. Oh, oh, oh. Pourtant rien, rien à faire certain, à côté du chemin. Ils vont sans rien, sans espoir le matin, le soir. Oh, oh, oh, oh, oh. Jésus, l'entends-tu, ces dames et ces messieurs pieds nus, ne sont-ils pas assez gracieux, trop bas pour tes yeux délicats? Oh Jésus, roi du vent, nos âmes volent pareillement. Toi tu choisis comment, même, même vie devant, et tant de destins différents. Pour l'un facile, pour l'autre un chemin difficile. Pour l'un facile, pour l'autre un